Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais l'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise. Et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. C'est ainsi que, regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelques